enfants nous séparer. Pourquoi nous nous séparons? C'est là le problème. Tu ne comprends jamais la blessure que Jésus. Je t'ai blessé? Certains blessures ne se voient pas à l'œil, mais sa douleur est profonde et persistante. Nous pouvons nous calmer et démarrer à nouveau? Pas question.